Prologue 1. Lorsque Zarathoustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa point durant 10 années. Mais enfin, son cœur se transforma. Et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires? Depuis 10 ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions, chaque matin. Nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Voici, je suis dégoûté de ma sagesse, comme l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie et les pauvres heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir, quand tu vas derrière les mers, apportant ta clarté au-dessous du monde, ô astre débordant de richesse. Je dois disparaître ainsi que toi, me coucher, comme disent les hommes, vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille, qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure. Bénis la coupe qui veut déborder, que l'eau toute dorée en découle, apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau, et Zarathoustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathoustra. Deuxième chapitre. Zarathoustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard et il dit à Zarathoustra « Il ne m'est pas inconnu ce voyageur. Voilà bien des années qu'il passa par ici. Il s'appelait Zarathoustra, mais il s'est transformé. Tu portais alors ta cendre à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée? Ne crains-tu pas le châtiment des incendiaires? Oui, je reconnais Zarathoustra. Son œil est limpide, et sur sa lèvre ne se creuse aucun pli de dégoût. Ne s'avance-t-il pas comme un danseur? Zarathoustra s'est transformé. Zarathoustra s'est fait enfant. Zarathoustra s'est éveillé. Que vas-tu faire maintenant auprès de ceux qui dorment? Tu vivais dans la solitude comme dans la mer, et la mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir? Malheur à toi, tu veux de nouveau traîner toi-même ton corps? Zarathoustra répondit, « J'aime les hommes. » « Pourquoi donc, dit le sage, suis-je allé dans les bois et dans la solitude? N'était-ce pas parce que j'aimais trop les hommes? Maintenant j'aime Dieu, je n'aime point les hommes. L'homme est pour moi une chose trop imparfaite. L'amour de l'homme me tuerait. » Zarathoustra répondit, « Qu'ai-je parlé d'amour? Je vais faire un présent aux hommes. » « Ne leur donne rien, dit le saint. Enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. Rien ne leur sera meilleur, pourvu qu'à toi aussi cela fasse du bien. Et si tu veux donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône et attends qu'ils te la demandent. » « Non, répondit Zarathoustra, je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. » Le saint se prit à rire de Zarathoustra et parla ainsi. « Tâche alors de leur faire accepter tes trésors. Ils se méfient des solitaires et ne croient pas que nous venions pour donner. À leurs oreilles, les pas du solitaire retentissent trop étrangement à travers les rues. Défiants comme si la nuit, couchés dans leur lit, ils entendaient marcher un homme longtemps avant le lever du soleil. Ils se demandent peut-être « Où glisse ce voleur ?»« Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt. Retourne plutôt auprès des bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux ?»« Et que fait le saint dans la forêt ?» demanda Zarathoustra. Le saint répondit « Je compose des chants et je les chante. Et quand je fais des chants, je ris, je pleure et je murmure. C'est ainsi que je loue Dieu. » Avec des chants, des pleurs, des rires et des murmures, je rends grâce à Dieu qui est mon Dieu. Cependant, quel présent nous apportes-tu? Lorsque Zarathoustra eut entendu ces paroles, il salua le saint et lui dit: Qu'aurais-je à vous donner? Laissez-moi partir en hâte, afin que je ne vous prenne rien. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, le vieillard et l'homme, riant comme rient deux petits garçons. Mais Zarathoustra, quand il fut seul, parla ainsi à son cœur: Serait-ce possible? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. Chapitre 3. Lorsque Zarathoustra arriva dans la ville voisine qui se trouvait le plus près des bois, il y vit une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se montrer. Et Zarathoustra parla au peuple et lui dit: Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Tous les êtres, jusqu'à présent, ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot, et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme? Qu'est le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte douloureuse. Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain. Une dérision ou une honte douloureuse. Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Autrefois, vous étiez singe, et maintenant encore, l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, faite d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée. Qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort. Et avec lui sont morts ces blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Il le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée. Et pour elle, la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même? En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver de plus sublime? C'est l'heure du grand mépris, l'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. Mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma raison, elle est avide de science, comme le lion de nourriture, elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma vertu ?» Elle ne m'a pas encore fait délirer. Que je suis fatigué de mon bien et de mon mal, tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma justice ?» Je ne vois pas que je sois charbon ardent. Mais le juste est charbon ardent. L'heure où vous dites « Qu'importe ma pitié ?» La pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Hélas, que ne vous ai-je déjà entendu crier ainsi? Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel, c'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet éclair, il est cette folie. » Quand Zarathoustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria : « Nous avons assez entendu parler du danseur de cordes, faites-nous le voir maintenant !» Et tout le peuple rit de Zarathoustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que l'on avait parlé de lui, se mit à l'ouvrage. Chapitre 4. Zarathoustra, cependant, regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit : « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière. Frissons et arrêts dangereux. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. J'aime les grands contempteurs, parce qu'ils sont les grands adorateurs, les flèches du désir vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne cherchent pas, derrière les étoiles, une raison pour périr ou pour s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient à la terre, pour qu'un jour la terre appartienne au surhumain. J'aime celui qui vit pour connaître, et qui veut connaître afin qu'un jour vive le surhumain, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui travaille et invente pour bâtir une demeure au surhumain, pour préparer à sa venue la terre, les bêtes et les plantes, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est une volonté de déclin et une flèche de désir. J'aime celui qui ne réserve pour lui-même aucune parcelle de son esprit, mais qui veut être tout entier l'esprit de sa vertu, car c'est ainsi qu'en esprit il traverse le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa destinée, car c'est ainsi qu'à cause de sa vertu, il voudra vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu. Il y a plus de vertu en une vertu qu'en deux vertus. C'est un nœud où s'accroche la destinée. J'aime celui dont l'âme se dépense, celui qui ne veut pas qu'on lui dise merci et qui ne restitue point, car il donne toujours et ne veut point se conserver. J'aime celui qui a honte de voir le dé tomber en sa faveur et qui demande alors : « Suis-je donc un faux joueur ? » Car il veut périr. J'aime celui qui jette des paroles d'or au devant de ses œuvres et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux de l'avenir et qui délivre ceux du passé, car il veut que ceux d'aujourd'hui le fassent périr. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu, car il faut que la colère de son Dieu le fasse périr. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, celui qu'une petite aventure peut faire périr, car ainsi, sans hésitation, il passera le pont. J'aime celui dont l'âme déborde au point qu'il s'oublie lui-même et que toute chose soit en lui. Ainsi, toutes choses deviendront son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Ainsi, sa tête ne sert que d'entrailles à son cœur, mais son cœur l'entraîne au déclin. J'aime ceux qui sont comme de lourdes gouttes qui tombent une à une du sombre nuage suspendu sur les hommes. Elles annoncent l'éclair qui y vient et disparaissent en visionnaire. Voici, je suis un visionnaire de la foudre, une lourde goutte qui tombe de la nue. Mais cette foudre s'appelle le surhumain. Chapitre 5. Quand Zarathoustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et se tut. Puis il dit à son cœur : « Les voilà qui se mettent à rire. Ils ne me comprennent point. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Faut-il d'abord leur briser les oreilles, afin qu'ils apprennent à entendre avec les yeux ? Faut-il faire du tapage comme les cymbales et les prédicateurs de carême ? Ou n'ont-ils foi que dans les bègues ? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment nomment-ils donc ce dont ils sont fiers ? Ils le nomment civilisation. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas, quand on parle d'eux, entendre le mot de mépris. Je parlerai donc à leur fierté. Je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable, je veux dire le dernier homme. » Et ainsi Zarathoustra se mit à parler au peuple. Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Maintenant, son sol est encore assez riche. Mais ce sol, un jour, sera pauvre et stérile, et aucun grand arbre ne pourra plus y croître. Malheur ! Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer. Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoile au monde. Malheur, les temps sont proches du plus méprisable des hommes qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici, je vous montre le dernier homme. Amour, création, désir, étoile, qu'est-ce là ? Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre sera alors devenue plus petite, et sur elle sautillera le dernier homme, qui rapetisse tout. Sa race est indestructible comme celle du puceron. Le dernier homme vit le plus longtemps. « Nous avons inventé le bonheur, » disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin, et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Tomber malade et être méfiant passe chez eux pour un péché. On s'avance prudemment, bien fou qui trébuche encore sur les pierres et sur les hommes. Un peu de poison de ci de là pour se procurer des rêves agréables. Et beaucoup de poisons enfin pour mourir agréablement. On travaille encore car le travail est une distraction. Mais l'on veille à ce que la distraction ne débilite point. On ne devient plus ni riche ni pauvre. Ce sont deux choses trop pénibles. Qui voudrait encore gouverner ? Qui voudrait obéir encore ? Ce sont deux choses trop pénibles. Point de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose. Tous sont égaux. Qui a d'autres sentiments va de son plein gré dans la maison des fous. Autrefois, tout le monde était fou, disent ceux qui sont les plus fins et qui clignaient de l'œil. On est prudent et l'on sait tout ce qui est arrivé. C'est ainsi que l'on peut railler sans fin. On se dispute encore, mais on se réconcilie bientôt, car on ne veut pas se gâter l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on respecte la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ici finit le premier discours de Zarathoustra, celui que l'on appelle aussi le prologue, car en cet endroit, il fut interrompu par les cris et la joie de la foule. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathoustra » s'écriait-il. « Rends-nous semblables à ces derniers hommes. Nous te tiendrons quitte du surhumain. » Et tout le peuple jubilait et claquait de la langue. Zarathoustra, cependant, devint triste et dit à son cœur « Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Trop longtemps, sans doute, j'ai vécu dans les montagnes. J'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres. Je leur parle maintenant comme à des chevriers. Placide est mon âme et lumineuse comme la montagne au matin. Mais ils me tiennent pour un cœur froid et pour un bouffon aux railleries sinistres. Et les voilà qui me regardent et qui rient. Et tandis qu'ils rient, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire. Chapitre 6. Mais alors, il advint quelque chose qui fit taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards. Car pendant ce temps, le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage. Il était sorti par une petite poterne et marchait sur la corde tendue entre deux tours, au-dessus de la place publique et de la foule. Comme il se trouvait juste à mi-chemin, la petite porte s'ouvrit encore une fois, et un gars bariolé qui avait l'air d'un bouffon sauta dehors et suivit d'un pas rapide le premier. En avant, boiteux! Cria son horrible voix. En avant, paresseux, sournois, visage blême! Que je ne te chatouille pas de mon talon! Que fais-tu là entre ces deux tours? C'est dans la tour que tu devrais être enfermé, tu barres la route à un meilleur que toi! Et à chaque mot, il s'approchait davantage. Mais quand il ne fut plus qu'à un pas du danseur de cordes, il advint cette chose terrible qui fit taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards. Le bouffon poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Mais le danseur de cordes, en voyant la victoire de son rival, perdit la tête et la corde. Il jeta son balancier et, plus vite encore, s'élança dans l'abîme comme un tourbillon de bras et de jambes. La place publique et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'élève. Tous s'enfuyaient en désordre, et surtout à l'endroit où le corps allait s'abattre. Zarathoustra, cependant, ne bougea pas. Et ce fut juste à côté de lui que tomba le corps, déchiré et brisé, mais vivant encore. Au bout d'un certain temps, la conscience revint au blessé, et il vit Zarathoustra agenouillé auprès de lui. « Que fais-tu là ? » dit-il enfin. « Je savais depuis longtemps que le diable me mettrait le pied de travers. Maintenant, il me traîne en enfer. Veux-tu l'en empêcher ?»« Sur mon honneur, ami, » répondit Zarathoustra, « tout ce dont tu parles n'existe pas. Il n'y a ni diable, ni enfer. Ton âme sera morte, plus vite encore que ton corps. Ne crains donc plus rien. » L'homme leva les yeux avec défiance. « Si tu dis vrai, » répondit-il, « ensuite, je ne perds rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'une bête qu'on a fait danser avec des coups et de maigre nourriture. »« Non pas, » dit Zarathoustra, « tu as fait du danger ton métier. Il n'y a là rien de méprisable. Maintenant, ton métier te fait périr. C'est pourquoi je vais t'enterrer de mes mains. » Quand Zarathoustra eut dit cela, le moribond ne répondit plus. Mais il remua la main, comme s'il cherchait la main de Zarathoustra pour le remercier. Chapitre 7. Cependant, le soir tombait, et la place publique se voilait d'ombre. Alors la foule commença à se disperser, car la curiosité et la frayeur même se fatiguent. Zarathoustra, assis par terre à côté du mort, était noyé dans ses pensées. Ainsi, il oubliait le temps. Mais enfin, la nuit vint, et un vent froid passa sur le solitaire. Alors Zarathoustra se leva, et il dit à son cœur, « En vérité, Zarathoustra a fait une belle pêche aujourd'hui. Il n'a pas attrapé d'homme, mais un cadavre. Inquiétante est la vie humaine, et, de plus, toujours dénuée de sens. Un bouffon peut lui devenir fatal. » Je veux enseigner aux hommes le sens de leur existence. Qui est le surhumain, l'éclair du sombre nuage homme? Mais je suis encore loin d'eux, et mon esprit ne parle pas à leur sens. Pour les hommes, je tiens encore le milieu entre un fou et un cadavre. Sombre est la nuit, sombres sont les voix de Zarathoustra. Viens, compagnon rigide et glacé, je te porte à l'endroit où je vais t'enterrer de mes mains. Chapitre 8. Quand Zarathoustra eut dit cela à son cœur, il chargea le cadavre sur ses épaules et se mit en route. Il n'avait pas encore fait 100 pas qu'un homme se glissa auprès de lui et lui parla tout bas à l'oreille. Et voici, celui qui lui parlait était le bouffon de la tour. « Va-t'en de cette ville, ô Zarathoustra, » dit-il. « Il y a trop de gens qui te haïssent. Les bons et les justes te haïssent. Et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Les fidèles de la vraie croyance te haïssent, et ils t'appellent un danger pour la foule. Ce fut ton bonheur qu'on se moqua de toi, car vraiment tu parlais comme un bouffon. Ce fut ton bonheur de t'associer au chien mort. En t'abaissant ainsi, tu t'es sauvé pour cette fois-ci. Mais va-t'en de cette ville, sinon demain, je sauterai par-dessus un mort. » Après avoir dit ces choses, l'homme disparut. Et Zarathoustra continua son chemin par les rues obscures. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils éclairèrent sa figure de leurs flambeaux, reconnurent Zarathoustra et se moquèrent beaucoup de lui. « Zarathoustra emporte le chien mort. Bravo, Zarathoustra s'est fait fossoyeur. Car nous avons les mains trop propres pour ce gibier, Zarathoustra veut-il donc voler sa pâture au diable? Allons, bon appétit! Pourvu que le diable ne soit pas plus habile voleur que Zarathoustra. Il les volera tous deux, il les mangera tous deux. » Et ils riaient entre eux en rapprochant leurs têtes. Zarathoustra ne répondit pas un mot et passa son chemin. Lorsqu'il eut marché pendant 2 heures, le long des bois et des marécages, il avait tellement entendu hurler les loups affamés que la faim s'était emparée de lui. Aussi s'arrêta-t-il à une maison isolée où brûlait une lumière. La faim s'empare de moi comme un brigand. Au milieu des marécages et des bois, la faim s'empare de moi dans la nuit profonde, dit Zarathoustra. Ma faim a de singuliers caprices. Souvent, elle ne vient qu'après le repas. Et aujourd'hui, elle n'est pas venue de la journée. Où donc s'est-elle attardée? En parlant ainsi, Zarathoustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut aussitôt. Il portait une lumière et demanda « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?»« Un vivant et un mort, » dit Zarathoustra. « Donnez-moi à manger et à boire. J'ai oublié de le faire pendant le jour. Qui donne à manger aux affamés réconforte sa propre âme. Ainsi parle la sagesse. » Le vieux se retire, mais il revint aussitôt et offrit à Zarathoustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, » dit-il. « C'est pourquoi j'habite ici. Hommes et bêtes viennent à moi, le solitaire. Mais invite aussi ton compagnon à manger et à boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathoustra répondit « Mon compagnon est mort. Je l'y déciderai difficilement. » « Cela m'est égal, » dit le vieux en grognant. « Qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. » Ensuite, Zarathoustra marcha de nouveau pendant 2 heures, se fiant à la route et à la clarté des étoiles, car il avait l'habitude des marches nocturnes et aimait à regarder en face tout ce qui dort. Quand le matin commença à poindre, Zarathoustra se trouvait dans une forêt profonde et aucun chemin ne se dessinait plus devant lui. Alors, il plaça le corps dans un arbre creux à la hauteur de sa tête, car il voulait le protéger contre les loups, et il se coucha lui-même à terre sur la mousse. Et aussitôt, il s'endormit, fatigué de corps, mais l'âme tranquille. Chapitre 9. Zarathoustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais encore le matin. Enfin, ses yeux s'ouvrirent, et avec étonnement, Zarathoustra jeta un regard sur la forêt et dans le silence. Avec étonnement, il regarda en lui-même. Puis il se leva à la hâte, comme un matelot qui tout à coup voit la terre, et il poussa un cri d'allégresse, car il avait découvert une vérité nouvelle. Et il parla à son cœur, et il lui dit « Mes yeux se sont ouverts, j'ai besoin de compagnons vivants, non point de compagnons morts et de cadavres que je porte avec moi où je veux. » J'ai besoin de compagnons vivants qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes, partout où je vais. Mes yeux se sont ouverts. Ce n'est pas à la foule que doit parler Zarathoustra, mais à des compagnons. Zarathoustra ne doit pas être le berger et le chien d'un troupeau. C'est pour enlever beaucoup de brebis du troupeau que je suis venu. Le peuple et le troupeau s'irriteront contre moi. Zarathoustra veut être traité de brigand par les bergers. Je dis berger, mais ils s'appellent les bons et les justes. Je dis berger, mais ils s'appellent les fidèles de la vraie croyance. Voyez les bons et les justes. Qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise leur table de valeur, le destructeur, le criminel. Mais c'est celui-là le créateur. Voyez les fidèles de toutes les croyances. Qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise leur table des valeurs, le destructeur, le criminel. Mais c'est celui-là le créateur. Des compagnons. Voilà ce que cherche le Créateur, et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche le Créateur. De ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, des moissonneurs qui moissonnent avec lui. Car chez lui, tout est mûr pour la moisson. Mais il lui manque les 100 faucilles. Aussi, plein de colère, arrache-t-il les épis. Des compagnons. Voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui savent aiguiser leurs faucilles. On les appellera destructeurs et contempteurs du bien et du mal. mais ce seront eux qui moissonneront et qui seront en fait des créateurs comme lui. Voilà ce que cherche Zarathoustra, de ceux qui moissonnent et chôment avec lui. Qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres? Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux. Je t'ai bien abrité contre les loups. Mais je me sépare de toi. Le temps est passé. Entre deux aurores, une vérité nouvelle s'est levée en moi. Je ne dois être ni berger, ni fossoyeur. Jamais plus je ne parlerai au peuple. Pour la dernière fois, j'ai parlé à un mort. Je veux me joindre au Créateur, à ceux qui moissonnent tes chaumes. Je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au surhumain. Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude. Et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes, je leur alourdirai le cœur de ma félicité. Je marche vers mon but, je suis ma route. Je sauterai par-dessus les hésitants et les retardataires. Ainsi, ma marche sera le déclin. Chapitre 10. Zarathoustra avait dit cela à son cœur alors que le soleil était à son midi. Puis, il interrogea le ciel du regard, car il entendait au-dessus de lui le cri perçant d'un oiseau. Et voici, un aigle planait dans les airs en large cercle, et un serpent était suspendu à lui, non pareil à une proie, mais comme un ami, car il se sentait enroulé autour de son cou. « Ce sont mes animaux, » dit Zarathoustra, et il se réjouit de tout cœur. « L'animal le plus fier qu'il y ait sous le soleil, et l'animal le plus rusé qu'il y ait sous le soleil, ils sont allés en reconnaissance. Ils ont voulu savoir si Zarathoustra vivait encore. En vérité, suis-je encore en vie? J'ai rencontré plus de dangers parmi les hommes que parmi les animaux. Zarathoustra suit des voies dangereuses. Que mes animaux me conduisent. » Lorsque Zarathoustra eut ainsi parlé, il se souvint des paroles du saint dans la forêt. Il soupira et dit à son cœur, « Il faut que je sois plus sage, que je sois rusé du fond du cœur, comme un serpent. Mais je demande l'impossible. Je prie donc ma fierté d'accompagner toujours ma sagesse. Et si ma sagesse m'abandonne un jour, hélas, elle aime à s'envoler, puisse du moins ma fierté voler avec ma folie. » Ainsi commença le déclin de Zarathoustra.